professeurs. Leur mission, c'est d'enseigner l'évolution, le devenir de la science telle qu'elle se fait, telle qu'elle se construit, que c'est un des éléments qui fait l'attractivité des cours. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il y a beaucoup de gens qui viennent assister à ces cours librement, qui ne sont pas spécialistes forcément du domaine étudié, mais qui sont fascinés par l'idée qu'ils sont dans un milieu où ils voient la science en train de s'élaborer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment se procurer des digital talents ou talents numériques dans un contexte de compétition et de rareté des talents, s'interroge le sociologue Pierre-Michel Menger. Dans la course à l'innovation, quel est le nouvel esprit prométhéen de la Silicon Valley? Qu'est-ce que la singularité? Et quelles sont les capacités les plus recherchées sur le marché des talents? Que représentent les soft skills et les social skills, anglicisme prépondérant du management par le talent? Quel est l'enjeu de la collaboration et de l'interaction avec autrui? Et dernière question un peu malicieuse, avec le développement de l'intelligence artificielle, les pilotes d'avion pourraient-ils être plus facilement substituables que le personnel navigant? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, directeur d'études à l'EHESS, après des études de philosophie et un doctorat de sociologie, est entré au Centre national de la recherche scientifique, puis à l'École des hautes études en sciences sociales, où il a dirigé le Centre de sociologie du travail et des arts dans une démarche pluridisciplinaire. C'est riche de cette démarche et de son expérience qu'il nous propose depuis l'an dernier une grande enquête multidimensionnelle autour de la notion fuyante de talent et de réaliser des éléments de physique sociale des différences et des inégalités. Pour le journal Les Échos, en mai dernier, le sociologue l'expliquait, je le cite, que le talent est une combinaison de qualités qu'on peut essayer de lister, mais dont on ne connaît pas le bon dosage, le bon équilibre. Quelques mois plus tôt, pour l'hebdomadaire Le Point en novembre 2017, Pierre-Michel Menger soulignait que la Silicon Valley est le cœur d'un incroyable marché au talent et au débauchage de talent, un talent traffic, depuis une décennie. Les GAFA achètent les meilleurs ingénieurs et chercheurs à prix d'or, les startups bousculent les codes traditionnels de la réussite avec l'économie des plateformes, les salaires explosent. Mais plus encore les inégalités, puisque les salaires pour un même travail et dans la même entreprise peuvent varier de 1 à 10 ou plus selon la performance des individus. Voilà une économie du talent sonnante et trébuchante. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 9 mars 2018 pour le cours de Pierre-Michel Menger. Aujourd'hui, High-Tech et talent, partie 2. Dans le monde de la Silicon Valley, où la course à l'innovation, la guerre des talents et les inégalités explosives de rémunération sont lancées à pleine vitesse, le raisonnement aux limites est devenu monnaie courante. Je vais vous donner une définition qu'un auteur bien connu, un ingénieur devenu une sorte d'apôtre de la révolution technologique, qui s'appelle Ray Kurzweil, a écrit, c'est un livre qui s'appelle « Singularity », qui est connu, et qui est devenu une sorte de bible du nouvel esprit prométhéen dans la Silicon Valley. D'ailleurs, la traduction française ne s'embarrasse pas d'euphémisme. Le titre français, c'est « Humanité 2.0, la bible du changement ». Donc, nous avons affaire à une situation biblique. Et dans ce livre, le mot « talent » est d'ailleurs très présent, mais il est essentiellement présent pour être transporté des humains vers les machines intelligentes. Kurzweil écrit « Singularité est un mot qui définit un événement unique avec des implications singulières. Ce mot a été adopté par les mathématiciens pour désigner une valeur qui transcende les limitations finies telles que l'explosion de la magnitude qui peut résulter lorsqu'on divise une constante par un nombre qui s'approche de plus en plus de zéro. Si on considère par exemple la fonction y égale 1 sur x, plus la valeur de x se rapproche de zéro, plus la valeur de y explose vers des valeurs de plus en plus importantes. Une telle fonction mathématique ne peut pas réellement atteindre une valeur infinie, puisque la division par zéro est mathématiquement indéfinie, impossible à calculer, mais la valeur de Y excède toutes les limites finies possibles, elle approche l'infini, tandis que le diviseur X se rapproche de zéro. Et voilà la courbe qui figure proprement dans le livre et qui définit la singularité, le mouvement vers l'infini. Et comme dit Kurzweil, je cite encore, « D'après ma perspective, la singularité a de nombreux aspects. Elle représente la phase presque verticale de croissance exponentielle qui se passe lorsque la vitesse est tellement rapide que la technologie semble se développer à une vitesse infinie. » Voilà le genre de calcul qu'il fait pour prédire l'accélération de l'innovation technologique. Et donc la singularité impliquera un changement de la nature de notre capacité de compréhension. Et il conclut dans cette citation, nous deviendrons beaucoup plus intelligents lorsque nous fusionnerons avec notre technologie. Je voudrais juste donner quelques indications de la suite de l'ouvrage et notamment une série de principes pour vous dire ce que c'est que l'esprit prométhéen dont Kurzweil est l'apôtre. Ça correspond non pas à des extrapolations. Kurzweil prend le soin de distinguer les extrapolations de ce que lui annonce, parce que l'extrapolation, ça est toujours fait à partir du passé et du présent vers le futur, avec une sorte de raisonnement linéaire qui est très limitatif. On ne fait que inverser le temps et dire voilà, les courbes vont se prolonger. Ici, on est dans un univers où il y aura un saut correspond à un mode de raisonnement accordé à cette phase d'accélération du processus exponentiel. Autrement dit, au lieu d'appeler ça une extrapolation, on pourrait appeler ça une exponentialisation. Et qu'est-ce qui va se passer, selon Kurzweil ? L'innovation technologique va s'accélérer à une vitesse exponentielle. L'analyse du fonctionnement du cerveau humain va s'accélérer aussi de façon exponentielle et la compréhension complète de ce fonctionnement sera obtenue dans 20 ans. Le livre date de 2005. Les ordinateurs passeront le test de Turing. Leur intelligence sera indiscernable de celle des humains avant 2020. L'intelligence humaine sera augmentée par des supercalculateurs de poche. Les ordinateurs eux-mêmes seront augmentés de l'intelligence biologique humaine et combineront intelligence mécanique et intelligence biologique. Autrement dit, il y aura une science biomimétique cognitive, pour résumer. Le cerveau humain qui sait produire et reconnaître des patterns et qui est une formidable machine apprenante intègre donc des connaissances acquises et des leçons de l'expérience. C'est l'une des capacités clés de l'intelligence humaine, de créer des modèles mentaux et des hypothèses pour tester ces modèles. De leur côté, les machines ont une capacité de mémorisation considérable et une capacité de remémoration instantanée. Elles peuvent répéter une opération à grande vitesse et parfaitement, sans fatigue, et mieux encore, elles peuvent partager entre elles leurs connaissances à très grande vitesse, beaucoup plus vite que les humains qui parlent et qui utilisent le langage. Et donc, si on combine ça, la vitesse de travail et d'échange de signaux des machines s'approchera progressivement de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire elle sera 3 millions de fois plus rapide que les cerveaux humains. Tout le stock des connaissances humaines disponibles sera disponible pour les machines puisqu'il est contenu dans Internet. Les machines pourront associer, fusionner, séparer leurs ressources, leurs intelligences et leurs mémoires. Nous, comme dit Kurzweil, chers humains, nous fusionnons avec un être cher, certes, mais de façon limitée et pas forcément durable. Des ordinateurs, eux, il n'y aura pas de problème de ce genre. Le cycle de l'augmentation de l'intelligence des machines est de plus en plus rapide et ne rencontrera aucune des limitations de nos cerveaux humains. Toutes les technologies y contribueront, y compris les nanotechnologies qui agiront au niveau moléculaire. La nanorobotique s'infiltrera dans le corps humain pour le réparer, pour loger au cœur de la perception humaine toutes les augmentations promises par la réalité virtuelle. En créant des augmentés, la croissance exponentielle des machines constituera la prépondérante de nos capacités augmentées. Voilà, je m'arrête ici, c'est-à-dire jusqu'au point où il est question, dans ces pages qui résument la suite du livre, où il est question de cette intelligence émotionnelle, car le raisonnement devient assez rapidement banal et plutôt extrapolatif, En gros, Kurzweil dit à propos de l'intelligence émotionnelle humaine, c'est-à-dire ce qui tout de même nous appartient en propre, les robots auront une intelligence émotionnelle. Bon. Alors, est-ce que ces prédictions ou ces exponentialisations nous désignent une sorte d'apothéose ou d'épiphanie du talent, c'est-à-dire une disposition des humains augmentés et des machines intelligentes à se développer de façon à peu près illimitée et selon un processus auto-entretenu à la perfection. La combinaison du biologique et de l'humain ressemble tout à fait à une doctrine qu'on connaît en philosophie morale qui s'appelle le perfectionnisme. Mais elle en fait une sorte d'évidence quotidienne, alors que la doctrine perfectionniste, elle, est traditionnellement divisée entre, d'un côté, un idéal ultra-sélectif d'un monde dominé par une petite élite d'humains supérieurs, ce que, dans le vocabulaire de Nietzsche, on appelle les surhumains, et de l'autre, un idéal qui pourrait être cultivé par tout un chacun, celui d'un patient cheminement personnel sur la voie de l'accomplissement de soi le plus complet possible, dans la direction que chacun veut se choisir. Autrement dit, je veux me perfectionner. Une de mes libertés, c'est d'aller aussi loin que possible dans l'accomplissement de passions, d'intérêts, etc. Et Kurzweil, lui, en gros, dit la perfection, ça sera ni l'un ni l'autre, ça sera tout ça en même temps. Nous serons tous amenés, et essentiellement les machines encore plus que nous, à être des surhumains. Je rappelle que le livre et le projet de Kurzweil ont donné son nom à la Singularity University, qui, selon la présentation qui en est faite, est une société privée, à la fois université, think tank et centre d'incubation d'entreprise situé dans la Silicon Valley et qui a pour projet d'éduquer, d'inspirer et de responsabiliser les leaders afin qu'ils appliquent des technologies exponentielles pour répondre aux grands défis de l'humanité. Le grand absent du raisonnement de Kurzweil, ou du moins celui qui passe très vite, ce sont les soft skills humains. Essentiellement humains et peut-être pour Kurzweil, trop humains. Or, ce sont ces soft skills qui sont précisément les plus recherchés dans la chasse aux talents humains. Que sont donc exactement ces soft skills? Une littérature de recherche est apparue depuis une dizaine d'années et a fourni un nombre croissant d'articles sur le rendement des compétences non cognitives sur le marché du travail. Ces compétences sont définies comme comprenant notamment des social skills et aussi des leadership skills. Les recherches sur lesquelles je m'appuie s'inspirent notamment de travaux pionniers d'un économiste qui a été prix Nobel, qui s'appelle Jim Heckman, qui s'intéresse beaucoup à la puissance de transformation des conditions sociales par l'éducation, mais l'éducation notamment avec une intervention extrêmement précoce sur le destin des individus et une amélioration des technologies éducatives. Et les travaux de Heckman ont montré que les aptitudes cognitives, ce fameux facteur G, comme on l'appelle, ou general factor, n'expliquent qu'une partie limitée, ou même assez limitée, de la variance des revenus et que la productivité individuelle est influencée par de multiples dimensions de ce qu'on nomme compétences, et en particulier par ces soft skills ou non-cognitive skills. Dans des articles récents que j'ai sur lesquels je me suis appuyé, un économiste de Harvard qui s'appelle David Deming montre comment les emplois fortement rémunérés requièrent de plus en plus l'apport de ces soft et social skills. Alors, les transformations technologiques offrent une explication possible. Les compétences d'interaction sociale font partie de ces compétences auxquelles les technologies avancées d'automatisation n'offrent pas de solution de substitution, mais dont elles peuvent être complémentaires. Déchiffrer les réactions d'autrui et offrir des réponses appropriées dans une situation d'interaction constitue un savoir tacite auquel les ordinateurs et les machines interactives, par exemple les fameux chatbots, offre d'assez pauvres substituts, du moins tant que les programmeurs ne pourront pas décrire les règles de ces interactions. Comme l'écrit Deming, l'interaction humaine exige une capacité que les psychologues nomment une théorie de l'esprit, la capacité d'attribuer des états mentaux à autrui sur la base du comportement de cet autrui, autrement dit, une capacité de se mettre à la place d'autrui. Et en anglais, c'est plus joli, c'est « to put oneself in another's shoes », se mettre dans les chaussures d'autrui. Deming construit sa variable des « soft skills » à partir de ces données du site Onet dont j'ai parlé. Son usage de la notion de « soft skills » est orienté essentiellement, je l'ai dit, vers les « social skills ». Et sa variable est construite à partir de quatre indicatrices qui sont renseignées ainsi par Onet. La variable de coordination, adjusting actions in relation to others' actions, ajuster ses actions en fonction des actions d'autrui. Negotiation, bringing others together and trying to reconcile differences. Persuasion, persuader autrui, de changer sa façon de voir et son comportement. Et social perceptiveness, being aware of others' reactions, être conscient des réactions d'autrui et comprendre pourquoi ils réagissent comme ils réagissent. L'analyse que mène Deming est essentiellement orientée vers une seule dimension qui est la capacité à travailler avec autrui. Dans le document de l'étude LinkedIn Capgemini dont je parlais, Les digital soft skills ont un contenu un peu différent. Voilà le tableau de ces digital soft skills. Change management, collaboration, comfort with ambiguity, customer centricity, entrepreneurial mindset. Je pense que vous comprenez tout ça. Data-driven decision making, organizational dexterity and passion for learning. Celle-là, nous l'avons tous, évidemment, puisque vous êtes là, et moi aussi. Cette liste des soft skills inclut donc bien la dimension sociale interactionnelle dont je parlais à travers deux caractéristiques, la collaboration et la customer centricity. Je ne commente pas davantage la nature sociale, la compétence qu'est la collaboration ou l'aptitude à la collaboration. La convergence avec les définitions de Deming est manifeste. Il est plus intéressant de commenter celle-ci, la customer centricity, qui exprime l'importance des skills dans les relations de service, qui sont aujourd'hui la part majoritaire des économies avancées. 70% des services constituent 70 à 80% de la production de richesses dans un pays avancé. Et l'orientation client, si on peut l'appeler comme ça, n'est pas une simple affaire d'attention ou de comportement, mais une question de coproduction du service entre un prestataire et un consommateur dans beaucoup de professions qualifiées, médecine, enseignement, services juridiques, etc. Ou encore dans des activités de caractère artisanal qui connaissent aujourd'hui un nouvel essor et dans lesquelles le talent consiste à personnaliser la production en fonction de l'interaction avec les clients, pour conserver à l'échange et à la production un caractère personnel ou créatif orienté vers une demande. Il y a aujourd'hui des boutiques, on brasse de la bière à la demande, en fonction des demandes des clients. Voilà une sorte d'activité qui s'est développée avec des start-up et des jeunes geeks et des jeunes passionnés, de sorte de néo-artisanat, mais c'est un exemple parmi énormément d'autres. Plutôt que d'aller faire du conseil en sortant d'HEC, je vais brasser de la bière. Bon. Et il y a un travail qui est fait par un de mes collègues sociologues belges qui s'appelle Marc Zun, qui est en train d'étudier cette extraordinaire diversification d'un bien ou d'un produit comme la bière, hein, qui a maintenant des centaines et des centaines de marques et de manières de produire. L'économie de la variété, vous voyez, n'a pas de limite. Et donc, cette situation d'échange et d'interaction est une opération de coproduction. Et la dimension de talent est typiquement indexée sur cette aptitude à tirer parti du caractère relativement ouvert du processus une incertitude même relative sur les caractéristiques exactes du produit final, ce qui rend les choses plus amusantes, et à tirer parti de la dynamique essentiellement non linéaire de l'interaction. Pour l'essentiel, les autres soft skills de cette liste sont ce qu'on peut appeler des métacompétences et non pas des compétences. La compétence orientée vers le changement, l'initiative entrepreneuriale, la prise de risque, la tolérance à l'ambiguïté et métacompétence suprême, l'aptitude à apprendre ou la passion d'apprendre. Pour comprendre pourquoi il s'agit de dispositions plutôt d'expertise standard ou de mise en œuvre de compétences qui ont été acquises, qui sont bien définies et faciles à solliciter, il suffira de noter que la passion d'apprendre, qui est si recherchée chez les digital talents, est en décalage très fort avec la valeur des programmes de formation qui sont habituellement fournis dans les entreprises et dont une majorité de salariés se désolent régulièrement. Donc, on a une passion d'apprendre, mais elle n'est pas vraiment gratifiée par ce qui est offert. En fait, c'est toute une technologie de production de la valeur apprenante du travail que sont sommées de développer aujourd'hui les entreprises pour retenir leurs talents. Car ces talents, s'ils ont de la valeur sur un marché de l'emploi en croissance et en déséquilibre, et s'ils connaissent et font connaître leur valeur, par exemple via LinkedIn, n'auront aucun mal, mais peut-être pas non plus autant de bénéfices qu'ils en espèrent, à changer d'employeur. Dans les enquêtes auprès des employeurs, invariablement, la réponse est toujours la même. Ce qui est recherché d'abord, un niveau de compétence technique donné, celle-là, la compétence technique, est fournie assez abondamment par l'expansion de l'enseignement supérieur. Donc, ce qui est recherché d'abord à compétence technique donnée, ce sont ces soft skills. Et Deming note dans son article que les enquêtes auprès des employeurs montrent invariablement que les compétences que les employeurs jugent le plus difficile de trouver dans leurs opérations de recrutement sont les aptitudes au travail d'équipe, à la collaboration et aussi à l'expression orale. Et on trouve ce résultat dans l'enquête de Capgemini et de LinkedIn, puisque les digital skills soft manquent beaucoup plus que les hard skills. On a une pénurie de talents qui est aisée à décomposer. Les hard skills sont ceux qui ont été, dont j'ai donné la liste tout à l'heure, qui correspondent à des compétences spécifiques. Et la spécialisation des tâches et des rôles permet de les définir. Et la détention de ces compétences est distribuée de manière normale sur une courbe gaussienne. Par contre, les soft skills correspondent à un ensemble de qualités beaucoup plus difficiles à étalonner et à produire parce qu'ils se réfèrent à des dispositions qui sont pour une bonne part ancrées dans toute la complexité biographique de la socialisation et du développement des individus. Et plus l'environnement de travail ou la nature des tâches sollicite l'aptitude aux interactions, à la collaboration, plus évidemment les soft skills agissent comme des leviers multiplicatifs sur les hard skills dans la fonction de production de la performance individuelle. Et encore une fois, ce raisonnement, il est non linéaire. Et lui aussi permet de se déprendre de cette conception intellectualiste des compétences dont j'ai parlé, et c'est même là un des vecteurs de la diffusion de la notion de talent. Je vais vous en donner un exemple ou une illustration avec le cas suivant que j'extrais d'un article qui est paru dans la Harvard Business Review qui s'appelle « Automation will make us rethink what the job really is ». L'automation ou la transformation par les automates du travail va nous faire penser à nouveau frais à ce qu'est un emploi réellement. Et il est signé des cadres dirigeants d'une grande entreprise de conseil qui s'appelle Willis Towers & Watson. Les auteurs s'appellent Jésus Tazan, Malcolm et Zarkadakis. L'article me fournit l'occasion de revenir sur la notion d'emploi stratégique. Les emplois dont je vais parler sont des emplois des personnels navigants des compagnies aériennes. Et voici le graphique que je vous présente. Ce graphique décrit l'amplitude possible de la contribution respective des pilotes en rouge et des personnels de cabine, les fameux PNC aux portes. comme vous savez, quand on prend un avion, les PNC, les personnels navigants commerciaux, les stewards, les chefs de cabine, les hôtesses. La contribution respective à l'horizontale, c'est l'abscisse, à la valeur à la réputation et à la position concurrentielle d'une compagnie. Donc en abscisse figurent les niveaux croissants de performance de ces personnels. Qu'est-ce qui arrive quand la performance augmente? Et en ordonnée figure la valeur de la performance pour l'organisation, pour la compagnie. Le profil respectif de ces deux courbes est tout à fait inattendu. Et en fait, vous voyez que la valeur qui peut être procurée par une très bonne performance du côté des personnels de cabine est très supérieure. Elle a un potentiel d'augmentation beaucoup plus élevé que la performance d'un pilote, qui devient plate. Et évidemment, à partir d'un moment donné, c'est un plateau. Alors que chez les personnels de cabine, ça continue à augmenter. Ici, c'est le minimum exigé pour agir. Heureusement, les pilotes doivent partir d'un seuil qui n'est pas négligeable. Je vais en parler à l'instant. Ça, c'est la demande minimale de la compagnie. Et ici, c'est la capacité qu'a l'individu d'agir de manière discrétionnaire pour augmenter sa performance. Et les pilotes, ils sont interdits d'augmenter leur performance de manière discrétionnaire. Et l'argument des auteurs est assez simple, en fait. C'est que le rôle pivotal, le rôle stratégique, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas du côté des pilotes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, du moins dans une conception organisationnelle de la valeur du travail, mais il est du côté des PNC, des personnels navigants commerciaux. Ça leur ferait d'ailleurs très plaisir de voir ça. Je l'ai transmis à un cadre d'Air France. Parce que les personnels navigants commerciaux sont infiniment moins payés et moins considérés que les pilotes, qui sont une aristocratie qui sait défendre ses gains et ses privilèges. J'espère qu'on ne va pas me traiter mal la prochaine fois que je prendrai l'avion. Et ce constat qui est contenu dans ce raisonnement, j'ai demandé des données chiffrées pour vérifier ce que ce raisonnement veut dire. Il est, je vais vous en parler à l'instant, conceptuellement, il est assez correct, mais j'aimerais bien avoir les données pour maintenant vérifier. Je ne désespère pas de les obtenir. Le constat est paradoxal, mais il est aussi paradoxal pour l'évolution qui est à venir. Si je raisonne en Kurzweilien fidèle et orthodoxe, pour parler comme dans la Bible, je dirais que ce qui va arriver avec l'accélération de l'implantation des machines intelligentes et de l'intelligence artificielle, c'est qu'un pilote, à terme, ce sera un rôle qui sera substituable et probablement plus facilement substituable qu'un personnel navigant commercial, pour parler de manière un peu triste, et surtout d'un personnel navigant commercial talentueux. En réalité, le raisonnement qui est sous-jacent à ce graphique, il est bien connu des sociologues et même plus que des économistes, des sociologues notamment qui ont lu Stinchcombe, qui ont lu David Jacobs, qui ont lu Barron, James Barron. Ces références figurent dans la biographie d'un livre que j'ai publié sur le travail créateur. Il faut distinguer en effet deux dimensions dans la production de la valeur, celle qui engendre cet axe vertical. Il y a d'abord l'expertise et la maîtrise technique d'un côté, et de l'autre, il y a les soft skills qui commandent la gestion des interactions directes avec les passagers. Ces passagers, en tant que consommateurs, mais d'une certaine manière aussi en tant que coproducteurs du service, sont aussi des juges et des propagateurs de jugements qualitatifs sur leur réseau et partout ailleurs, qui peuvent affecter positivement ou négativement la réputation et la fréquentation, à commencer par la leur, d'une compagnie aérienne. Donc, si je sépare les deux catégories de skills, toute la formation, l'accumulation d'expérience, le système de promotion et l'environnement technologique du travail du pilote sont conçus et organisés pour lui permettre de partir de ce niveau-ci qui est élevé de compétences et d'arriver là, c'est-à-dire à un niveau défini de performance et de s'y maintenir dans des limites qui sont étroitement définies. C'est pour ça que c'est un plateau. La régularité et la sécurité sont des valeurs clés et la virtuosité ou l'originalité n'ont pas de place dans la cabine de pilotage, sauf des cas extrêmes et encore. Et donc la compétence est entièrement fondée sur une formation longue et la distribution des compétences des pilotes doit être aussi homogène que possible. Il serait tragique d'avoir affaire à une variabilité considérable de la performance des pilotes en fonction de leur salaire. Ça serait ennuyeux. Ce sont la longueur de la formation et sa technicité, et dans certaines compagnies aussi, le pouvoir historique de négociation très élevé des pilotes, qui leur assure un salaire très élevé dans lequel n'entre pas une composante talent. À l'inverse, ce que suggère ce graphique et le raisonnement des sociologues dont j'ai parlé, c'est que la variabilité est plus grande dans la performance du personnel PNC, qui aura un impact plus direct que la compétence du pilote sur la satisfaction ou l'insatisfaction de la clientèle, mais pas sur leurs chances de survie, et d'abord sur la clientèle la plus aisée et la plus profitable des classes, par exemple business et au-delà, c'est-à-dire celle qui a droit précisément au service le plus attentif et celle qui peut apprécier directement les différences dans la prestation de service. Mais maintenant, il y a de multiples classes, premium, etc., etc. Donc, on a décomposé la hiérarchie des services, des places de manière multiple pour pratiquer cette coproduction du service de manière plus segmentée. Je fais cette analyse aussi qui distingue la situation des pilotes et la situation des PNC. Si je mettais les salaires, je crois que les courbes seraient inversées. Le bleu serait les pilotes et le rouge serait les PNC. En me souvenant des analyses de Everett Hughes, le grand sociologue américain, qui voulait se déprendre de la hiérarchie des métiers qui sont exclusivement basés sur l'expertise et le monopole revendiqué d'expertise. Ces professions que la sociologie fonctionnaliste que critiquait Hughes avait érigées en modèle. Et Hughes voulait montrer comment ce qu'il appelle des professions prétentieuses doivent être comparées avec d'autres qui le sont moins et qui sont situées plus bas dans l'échelle de prestige et de rémunération, et comment la comparaison peut faire apparaître des caractères et des traits probabilistes qui désignent en fait une situation qui n'est pas du tout conforme à l'intuition de départ. Effectivement, ici, vous avez l'indication d'un caractère probabiliste de la dispersion possible des compétences et des performances. Les chances de réaliser une performance très élevée sont plus grandes pour le PNC que pour le pilote, parce que le pilote doit être normé, l'activité du pilote doit être strictement normée. Bon, maintenant, comment se procurer ces digital talents sur le marché de l'emploi sur lequel la concurrence est vive en période de forte expansion des technologies numériques? Et comment se procurer la qualité de talent qui correspond à cette définition relative de la pénurie, celle de la rareté des talents, puisque nous avons affaire à une composition multiplicative entre des qualités individuelles dont certaines sont très difficiles à identifier et à mesurer? Les méthodes de recrutement qui sont indiquées ici en disent long sur la diversification des procédures de sélection et d'acquisition des talents en temps de guerre des talents et d'incertitude sur la valeur qui est responsable des différentiels importants de productivité. Et la variable numéro un, c'est augmenter l'équipe de recrutement avec qu'elle soit dotée de talents digitaux pour améliorer le processus de recrutement, puis ouvrir des bureaux dans les pays où l'offre de talents digitaux est la plus grande. Par exemple, on va ouvrir des bureaux en Inde. Acquérir ces talents en créant des compétitions online, sur les plateformes online, comme Kaggle Top Coder, je vais y revenir, ou bien organiser des hackathons pour identifier les meilleurs, ou bien acquérir des sociétés ou des entreprises qui ont les talents en question, ou bien, je vais commenter ça aussi, create MOU, c'est-à-dire Memorandum of Understanding, c'est-à-dire des accords, négocier des accords avec les universités pour embaucher les étudiants directement après leur diplôme. Je vais commenter brièvement quelques-uns de ces mécanismes. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Minguer, aujourd'hui High-Tech et Talents, partie 2. La procédure qui vient en tête, elle est circulaire évidemment. Injecter du talent digital pour recruter des talents, c'est un peu circulaire. Plus intéressantes sont les autres. Les négociations et les accords, ce qu'on appelle le Memorandum of Understanding, c'est-à-dire les négociations entre entreprises et universités, correspondent à un cas que nous avons déjà examiné avec la recherche sur le rendement différentiel du titre d'ancien élève d'une grande école dans l'industrie de la finance. Et en fait, la relation entre université et entreprise, aujourd'hui, se complique sérieusement pour les emplois les plus complexes, notamment ceux de la recherche en computer science et en intelligence artificielle. Les emplois de recherche qui sont offerts par les très grandes entreprises de technologie numérique viennent directement concurrencer la recherche publique et éroder l'attractivité des emplois académiques. Et il n'est guère difficile de prévoir, et de voir d'ailleurs déjà, que la production de formation avancée, dont les universités avaient jusqu'ici le monopole, va désormais opérer selon des schémas au minimum plus complexes, qui sont faits d'alliances ou de positions multiples des enseignants-chercheurs, ou de multiplication d'universités d'entreprise. Une école Microsoft d'intelligence artificielle vient d'ouvrir, par exemple, et ça n'est qu'un cas parmi bien d'autres. Sur la course au talent, qui est désormais très vive dans le domaine de l'intelligence artificielle, les chroniques de la presse sont en effet innombrables et toutes plus éloquentes les unes que les autres sur ce sujet, en raison évidemment de l'effet de science dont bénéficient les témoignages et les exemples, qui sont plus faciles à produire que des données patiemment rassemblées et froidement commentées. Mais on trouve dans ces reportages les ingrédients qui sont devenus ordinaires de la globalisation de la compétition. On chronique des transferts et des prises spectaculaires de purs produits de l'université ou des grandes écoles françaises, et les Français ici ne sont pas les derniers à être en première ligne, du côté des bonnes prises. Il y a un phénomène d'avantage cumulatif qui opère. Les chercheurs réputés qui sont captés en attirent d'autres dans des laboratoires privés. L'hybridation des rôles et des positions entre public et privé, par exemple professeur à l'université et aussi chercheur en entreprise, elle paraît a priori constituer une sorte de ceinture protectrice contre le drainage pur et simple des talents vers la recherche privée. Au moins, on aura sauvé ça. Mais en fait, elle a des motifs beaucoup plus stratégiques, parce que l'enseignement qui est dispensé dans les grandes universités ou les grandes écoles permet de détecter très vite des étudiants talentueux, alors que l'exercice de la recherche, lui, il sera conduit dans les entreprises vers lesquelles on va attirer ces étudiants. Et ces entreprises ont actuellement des moyens qui ont l'air illimités et qui serviront à détecter ces talents qui ont été détectés par les universités. Enfin, il y a une concurrence très asymétrique entre les entreprises qui sont digital native, qui sont nées là-dedans et qui ont grandi là-dedans, et les entreprises en transition, les premières transformant leur personnel en actionnaires de leur compétitivité par des schémas de rémunération qui sont totalement inaccessibles aux entreprises traditionnelles. Enfin, il y a des flux migratoires de ces fameux digital talents qui dessinent une carte de la globalisation du talent. Voilà le schéma qui dit où sont d'abord les stocks principaux de talents, digital talents. Vous avez ici la hiérarchie, l'Inde arrive en tête, puis la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suède, les États-Unis. Évidemment, rapporté à la population, vous aurez des nombres absolus qui sont très différents, mais en proportion, ça vous donne une hiérarchie des situations rapportées à la population. Les Pays-Bas, la France est ici, l'Italie là et l'Espagne là. Mais maintenant, vous avez ici, à partir des données LinkedIn, qui, elles, alors là, pour le coup, sont assez utiles, permettent de retracer les mouvements, les flux d'entrée et de sortie. Les États-Unis sont et il y a un coefficient de rapport entre importation et exportation. Les États-Unis arrivent en tête pour ce qui est de l'importation. Ils achètent plus de talents à l'étranger qu'ils n'en envoient à l'étranger, suivi par l'Allemagne, par la Suède, par les Pays-Bas. Tout ça est supérieur à 1. L'Espagne aussi est supérieure à 1. Ce qui n'est peut-être pas une si bonne nouvelle non plus, parce que si elle a peu moins de talent que les autres, mais qu'elle en importe plus qu'elle en exporte, ça va. Ici, la France se situe en dessous, c'est-à-dire qu'elle exporte davantage de digital talents qu'elle en importe. Donc, il y a un problème où qu'elle n'en a. Et l'Inde, elle, est le champion absolu de l'exportation. C'est le nouveau paradis de recrutement des chasseurs de talents digitaux, c'est l'Inde, qui en plus a pour particularité d'avoir une culture héritée du temps des colonies, une culture linguistique compatible, puisque les Indiens parlent anglais, ce qui est assez différent de la situation actuelle des Chinois, mais elle changera. Et puis les Chinois sont centrés sur eux-mêmes plus que les Indiens. Voilà les données. Il y a une dernière méthode de recrutement sur laquelle j'aurais insisté, qui, je reviens à ce tableau, c'est celle des compétitions. C'est un cas intéressant. Les concours en ligne, ces hackathons qui permettent de détecter, de classer exactement selon la procédure classique des sélections méritocratiques, c'est-à-dire égalité formelle devant l'épreuve, attractivité du concours par sa sélectivité, et par la réputation que confère le succès dans des épreuves hautement sélectives. Ces deux mécanismes correspondent à trois conditions. Il faut qu'il y ait une certaine hétérogénéité des candidats, il faut qu'il y ait une inobservabilité directe des qualités recherchées, donc on va se servir de la compétition pour faire apparaître tout ça, et il faut qu'il y ait un excès du nombre de candidats par rapport au nombre de positions qui vont être offertes. Et on peut ajouter que il faut qu'il y ait un défaut d'information des candidats eux-mêmes sur la détention des qualités recherchées, puisque le talent, encore une fois, est une combinaison dont on ne connaît pas les propriétés exactes. Ce point est intéressant parce qu'il peut se relier à des recherches des psychologues sur l'évaluation que font les individus d'eux-mêmes. Je pense ici à des travaux de Daniel Gilbert et de Dunning, Meyerowitz et Holzberg, qui ont étudié ces phénomènes d'auto-évaluation. Les travaux sont très stimulants et très éloquents. Le constat numéro un, c'est que les gens portent généralement sur eux-mêmes des jugements extrêmement flatteurs. C'est ce qu'on appelle le phénomène du « above average ». On est au-dessus de la moyenne. Il y a une célèbre émission à la radio américaine qui s'appelle « Lake Vobegon », le pays où tout le monde est au-dessus de la moyenne. Les enfants sont supérieurs à la moyenne en intelligence, ils sont plus beaux que la moyenne. C'est une émission extrêmement connue et qui a cessé. Mais c'est le phénomène, above average. Tout le monde a tendance à se situer au-dessus de la moyenne. Par exemple, quand on interrogeait les écoliers, dans une grande enquête sur 1 million d'écoliers, c'est une enquête qui date de 1976-1977, on leur demande de se situer par rapport à leurs camarades. 70% s'estiment supérieurs à la moyenne et seulement 2% s'estiment inférieurs à la moyenne. Donc le terme de moyenne ici a un sens qui a disparu. Quand on interroge les gens sur leur capacité athlétique, 60% se situent au-dessus de la médiane et 6% en dessous. La médiane, c'est celle qui divise une population en deux parties égales, 50% au-dessus, 50% en dessous. Quand on demandait aux étudiants de se juger par rapport à leurs camarades, 60% se situent dans le top des 10% et 25% se situent dans le top 1%. Voilà. Et ces résultats ont été répliqués et répliqués. Ils sont très, très connus, hein, et ils sont très intéressants. Donc, ils sont très stabilisés. La tendance à s'évaluer de manière extrêmement flatteuse. Alors, maintenant, pourquoi ça se passe comme ça? Et évidemment, les psychologues ont cherché à savoir ça. Et notamment, ils ont interrogé les gens pour savoir pourquoi ils jugent qu'ils ont des talents ou des qualités supérieures à la moyenne. Et ils ont demandé à des volontaires, dans une des expériences qui a été faite, ils ont demandé à des volontaires d'écrire leur propre définition du talent ou des gens talentueux, qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là, et ensuite d'estimer leur propre talent à l'aide de cette définition qu'ils venaient de produire. Autrement dit, ils fabriquent un guide d'évaluation et ils se l'appliquent à eux-mêmes. Et puis ensuite, ils ont demandé à un deuxième groupe de sujets d'utiliser les définitions qui avaient été produites par le premier groupe et d'estimer leur propre talent avec cette définition produite par le premier groupe. Donc, ce n'est pas eux qui avaient produit une définition, ils avaient emprunté celle qui avait été produite par le premier groupe. Le résultat est intéressant. Les producteurs de définition, le groupe 1, se jugent plus talentueux que les individus du groupe 2. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont la capacité de définir ce qu'est le talent ont évidemment, ils avaient la liberté de définir le terme talentueux ou talent comme ils le voulaient et en fait ils s'arrangeaient pour le définir de manière à le rapprocher des activités dans lesquelles ils excellent. En quelque sorte, les définisseurs, comme les appellent les auteurs des articles, les definers, fournissent des critères qui avaient le plus de chances de leur correspondre. Et voilà un résultat qui, selon Daniel Gilbert, un psychologue de Harvard, a une portée très générale. Nous avons une tendance à nous trouver talentueux, amicaux, intelligents ou justes parce que ces mots ont des significations ambiguës que l'esprit humain exploite naturellement l'ambiguïté de ces qualificatifs pour se gratifier lui-même. Les sources les plus riches d'ambiguïté à exploiter sont d'ailleurs, plus encore que les qualificatifs de talentueux ou pas, en fait les situations ou les expériences que nous rencontrons et qui sont susceptibles de multiples interprétations. Comme dit joliment Gilbert, je traduis pour aller vite, « Comment faisons-nous pour avoir des images positives de nous-mêmes et de nos expériences ? Comment parvenons-nous à nous figurer que nous sommes d'excellents conducteurs, d'excellents amants et de brillants cuisiniers, alors que notre vie est pleine de faits qui comportent un défilé pathétique de voitures cabossées, de partenaires déçus et de soufflés qui n'ont pas monté ?» Le livre est vraiment très amusant à lire. La réponse est simple, nous cuisinons les faits. We cook the facts. Je trouve ça très bien. Et une des manières d'apprêter les faits est de sélectionner ce qui nous arrange dans les comparaisons que nous faisons avec d'autres dans notre environnement. De multiples expériences montrent qu'on a tendance aussi à se comparer à quelqu'un qui est moins bon que soi. Par exemple, quand on propose à des sujets de consulter les résultats de tests à des épreuves, ceux qui ont obtenu une note de 12 regardent plus volontiers les résultats de ceux qui ont obtenu 8 que de ceux qui ont obtenu 16. Et plus généralement, des recherches comme celle de Colin Camara ou Dan Lovallo ont montré expérimentalement que l'excès de confiance et d'optimisme qu'induisent ces auto-évaluations flatteuses, cet excès de confiance qui d'ailleurs suscite l'entrée en masse dans des domaines où le succès est hautement incertain et où on ne peut pas savoir exactement quelles sont les qualités qui sont requises, il peut être attribué au fait que les individus négligent de prendre en compte la valeur de leurs concurrents directs, faute peut-être d'informations suffisantes, chacun estimant alors être suffisamment compétent pour réussir. Et l'argument peut être d'ailleurs généralisé, l'excès de confiance qui équivaut à récuser largement l'opinion d'autrui et à maximiser la valeur du futur par rapport au présent, c'est ce genre de comportement qui est nécessaire pour s'engager dans des activités incertaines et aussi pour permettre le développement optimal de métiers dans lesquels le risque d'échec est très élevé. Quand les critères qui définissent les qualités qui sont recherchées sont ambigus, le nombre de candidats est élevé et la technologie d'identification est souvent précisément celle de la comparaison et de la compétition sélective. C'est exactement le processus de sélection de talents ou de potentiels qui est mis en place pour détecter et qui est formé des informaticiens, des codeurs, hors des cadres habituels, notamment en faisant jouer à plein l'argument de type méritocratique de la seconde chance qui est donnée aux talents, cette seconde chance que le système scolaire traditionnel ne saurait pas identifier ou développer. Ce processus a trouvé en France son incarnation assez spectaculaire et très chroniquée dans une formation qui connaît un grand retentissement, la fameuse École 42, qui a été créée et financée par Xavier Niel. C'est une formation qui est accessible par sélection compétitive et dont les principes maximisent exactement le rôle des soft skills et notamment de l'aptitude à la collaboration et de la tolérance à l'égard de l'ambiguïté. Mon information sur ce qui se passe dans cette école est assez limitée parce qu'on n'a pas de travaux faits dans les règles de l'art, du moins je ne les connais pas, pour analyser la situation et qui est d'ailleurs récente. Les premières promotions sont sorties il n'y a pas si longtemps. Mais on tire de la presse un certain nombre d'informations ou d'entretiens, notamment avec les dirigeants de cette école, et qui fournissent des indications assez convergentes et suffisamment convergentes pour se faire une bonne idée de ce que peut être un processus de sélection et de formation de talents qui n'obéissent pas au modèle traditionnel. Ce qui est dit dans les enquêtes qui sont faites sur cette école, c'est que l'accès à cette école est gratuit, il est ouvert à tous, sans aucune condition de diplôme. Et d'après les chiffres qui circulent, 40% de ceux qui sont admis au terme d'un processus de sélection qui est assez redoutable, 40% qui sont des admis n'ont pas le bac. Et ils côtoient devant les ordinateurs aussi bien des titulaires de CAP que des diplômés de l'école normale supérieure ou d'une des écoles normales supérieures ou des jeunes sans aucun bagage scolaire pour apprendre à coder. Born to code, comme dit un des slogans de l'école. C'est une école qui, d'ailleurs, a peu d'enseignants, 12 enseignants pour 1700 élèves. Et l'idée, c'est ce qu'on appelle la pédagogie de la classe inversée. Ça n'est pas le professeur qui délivre la connaissance de manière unidirectionnelle. C'est l'étudiant qui produit la connaissance et qui est en quelque sorte modéré, comme on dit, par les enseignants. Et les étudiants, eux, ont à chercher les informations, les connaissances dont ils ont besoin. Et après tout, comme dit l'un des dirigeants de l'entreprise ou de l'école en question, les connaissances, elles sont sur Internet, ce n'est pas la peine de bourrer le crâne des élèves. Et on travaille par projet. Tout ça repose sur une éthique de l'effort. Comme vous savez, le mérite, c'est talent plus effort dans la formulation classique. Donc, il s'agit de bosser dur, d'abord pour être sélectionné. Les procédures de sélection sont une sorte de sélection par l'aptitude au dépassement de soi, puisqu'il faut pendant plusieurs semaines être immergé dans une piscine, comme ils disent, et travailler 18 ou 20 heures par jour pour résoudre les problèmes qui sont posés et qui servent à sélectionner les candidats. Les taux de sélection sont de plusieurs milliers pour quelques dizaines de places. 50 000 candidats par an, dit le directeur, et actuellement 3 500 étudiants en cumulant toutes les années. Donc une promotion comprend entre 900 et 1000 étudiants et, disons, 50 000 candidats. Vous voyez que l'intensité de sélection est très élevée. Le directeur de cette école est lui-même ancien élève d'Henri IV, titulaire d'un MBA d'HEC, a fait des études à Stanford, a été lauréat des Olympiades de mathématiques et a été créateur de 6 start-up. Donc, voilà, on peut dire qu'il va rendre à la société des individus qui veulent une deuxième chance, toutes les premières chances qu'il a eues, mettons. En tout cas, ce qui est souligné dans les déclarations que font des dirigeants comme celui-ci, qui s'appelle Nicolas Sadirac, c'est prise de risque, maximisation de caractéristiques comme le comportement, être agile, innovant, collaboratif. C'est beaucoup plus important que d'avoir beaucoup de connaissances, dit un entretien. Toutes les connaissances sont facilement disponibles. Posez la question sur Google et vous aurez la réponse. Le problème majeur d'un étudiant, c'est d'imaginer une solution face à un problème complexe. Complex problem solving. Vous voyez. Les écoles ont tendance à asséner les vérités. C'est tout le problème du système éducatif français, occidental, voire mondial. Et le problème que pose un enseignement classique, c'est une fois sur le marché du travail, un jeune diplômé n'a pas l'habitude de prendre des risques pour proposer des solutions. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans le début de mon premier cours en relisant la parabole des talents à propos de la notion qu'est-ce qui se passe pour le troisième serviteur qui a enterré son talent et qui ne l'a pas fait multiplier. Il n'a pas pris de risque, dit une interprétation théologique récente dont j'ai fait état. Vous voyez que ce vocabulaire revient d'une certaine manière tout le temps. Pour conclure sur le propos que j'ai développé dans cette séance à propos des hard skills et des soft skills, le directeur interrogé, donc Nicolas Sadirac, dit « On passe actuellement d'un système de hard skills où une liste de compétences fixées doit être acquise à un système de soft skills qui rend les gens capables d'utiliser les compétences variées d'une communauté. » Et donc, le travail d'un professeur n'est plus d'inculquer de la connaissance à l'étudiant, car l'étudiant n'a plus besoin de la stocker dans son cerveau. Ça se relie à Kurzweil. Dans 10 ans, il pourra y accéder par la simple pensée. Bon. Donc il n'y a plus besoin de connaissances spécifiques dans les métiers du numérique et cette tendance s'accroîtra à tous les secteurs. C'est juste que dans nos métiers, ce sont les ordinateurs qui travaillent. Donc il faut des soft skills. Mais il faut qu'ils soient complémentaires d'un minimum qui est appris tout de même par la résolution de complex problems. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 9 mars 2018 le cours de Pierre-Michel Menger. Aujourd'hui, High-Tech et Talents, partie 2. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Menger. Je rappelle son dernier ouvrage, il a notamment dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big Data et traçabilité numérique » des sciences sociales face à la quantification massive des individus. Prise de son et mixage Jean-Michel Bernot. Réalisation Ghislaine David. Iconographie web Claire Poinsignon. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre interrogation des énigmes du talent en compagnie de Pierre-Michel Menger et il sera question des controverses autour de l'égalitarisme. Et dans quelques instants, nous retrouverons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.